contes et chansons. Quand tu entendras cette musique, tourne la page. Je vais te raconter une histoire. Le petit chaperon rouge. Il était une fois une jolie petite fille que l'on appelait le petit chaperon rouge parce qu'un jour, sa grand-mère lui avait offert une jolie cape rouge surmontée d'un chaperon. Elle était si mignonne qu'elle ressemblait à un coquelicot tout rouge. Et été comme hiver, elle était toujours vêtue de son chaperon rouge. Elle vivait avec ses parents dans une maison au bord de la forêt. Joyeuse et insouciante, elle passait son temps à gambader le nez dans les nuages. Elle était très gentille et sage comme une image. Ce petit ange avait toujours mille pensées, mille cadeaux pour ses parents et sa chère grand-mère.